Hey, je roule en camtar, moi je m'en parle les couilles du Carrera. J'écrirai tard, tu te demanderas c'est qui ce taré là. Ouais, c'est trop d'art comme ta gamine qui sort en parlésie. Faut que les motards, une tempête, ils savent même pas où je réside. Allo réseau, s'te plaît, envoie de la zig de qualité. Je vais ressortir les crochets dominant, je suis canidé. Je suis ambitieux, parti de rien, moi j'ai rien demandé. Rage dans les yeux, petit galérien, sous le projeton hollandais. Hier, je dormais au nouveau tel et je détaillais la marche. Demain, j'achète un nouveau tel, histoire de tourner la page. Et laissez-moi, je suis dans mon tel quand je vais sortir ma rage. Putain, la vie, elle est au tel, je prends le bif et je m'arrache. J'ai des gars surposés en Sicile ou sur Bucarest. Je deviens paro, je fais même des caresses à mon tocaref. J'ai mes cauchemars en tête, mais moi je me rappelle aucun rêve. Salut mon vieux, tu me reconnais, dis-moi si t'as la rêve. Tout est carré, mais c'est pas la musique qui fait manger. Et y'a qu'un pas entre se ranger, débiter, descendre. J'ai marché seul, mais pour ma daronne, tu es un étranger. Regard jugeur, et j'ai toujours l'impression de déranger. Hey. Et puis je vais leur sortir un carré d'as. J'ai appris que tout se gagne aussi que tout se perd. Des traces d'hémoglobine sous les carénages. La rue c'est pas ma mère, le bis c'est pas mon père. Et dans le milieu personne m'a parrainé. Parce que c'est chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. J'ai tissé ma toile comme une araignée. J'ai rien demandé, personne m'a donné deux coups de pouce. Casse-toi, toi tu connais rien sur ma gueule cassée. Casse-toi, j't'ai pas attendu pour partir brasser. Et puis arrête de faire le youth, personne te connaît. Les réseaux ça donne des couilles, faut arrêter de déconner. J'me sens seul comme Charles Branson, on est 10 dans ma tête. J'fais rimer les consonnes, fuck ta Philippe Patek. J'tire en l'air, t'es à terre, la rue m'a mandaté. Moi j'suis contestataire, la vie m'a pas gâté. J'vois que d'un œil, mais t'inquiète pas que j'vais pas trater. Chez nous on parle pas des finances ou du rinté. Des mensonges, des balances, des porteurs de plaintes. Tu les soupçonnerais même pas, pourtant ils sont pleins. Eh, parle pas au bigot, sinon ça sent la perquisition. Y'en a qui donnent le go comme Nico, massage finition. La vérité fait mal, frère, mais le mensonge est tout. Toi tu fais l'animal, si vous êtes, si son est tout. Parle plus de mes coups de blues, va pas croire que j'ai changé. J'ai du sang sur la blouse, j'ai pas peur du danger. Sur ton cas, je vais me pencher, tu vas finir cambré. Viens pas me tenir tête si je me saoule au remembré. J'ai toujours assumé, fermé ma gueule au tribunal. Et dans le box, tu donnes mon blast pour prendre un minimum. T'as pas tenu ta langue, pour toi la fin est finimale. Je reviendrai cagouler, te passer le bonjour de mes mômes. Parle à d'hier, les petits bolos. Je crois que je suis un arriviste. Attrape les clés, fais le voiturier, tu vas me la carrer vite. Viens pas chez nous, c'est la frontière, c'est pas la tour Eiffel. Que des sicarios qui diront que le mal est fait. Toi ce que t'as fait, dis-toi qu'on l'a fait, mais en 10 fois pire. Je me suis fait dans les rues d'Espagne, là où pour rien sortir. Figueras, joue à cache-cache avec les gueufs. Et t'arrache, j'appelle Manel si toi tu te sens peu. Et non, poteau, réseau n'est pas sorti d'un œuf. Même si j'ai rangé le fer vénère, je peux ressortir le neuf. Les petits soldats ont plus de couilles que tes gars. J'en connais un paquet devant eux, tu t'écartes. Enfoiré, viens pas nous faire le don de Vito. Y'a des femmes qui ont des couilles, des hommes qui ont des clitos, enfoiré. On va jeter ton corps dans le vito. Par terre, je ramasse les douilles, donc ravale tes moutons. Et puis je vais leur sortir un carré d'as. J'ai appris que tout se gagne, mais que tout se perd. Des traces d'hémoglobine sous les carénages. La rue, c'est pas ma mère, le pays, c'est pas mon père. Et dans le milieu, personne m'a parrainé. Parce que c'est chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. J'ai tissé ma toile comme une araignée. J'ai rien demandé, personne m'a donné de coups de pouce. Et puis je vais leur sortir un carré d'as. J'ai appris que tout se gagne, mais que tout se perd. Des traces d'hémoglobine sous les carénages. La rue c'est pas ma mère, le bis c'est pas mon père. Et dans le milieu personne m'a parrainé. Parce que c'est chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. J'ai tissé ma toile comme une araignée. J'ai rien demandé, personne m'a donné de coups de pouce.